Grammaire. L'accord du participe passé. Page 108, activité 2. Écoutez les phrases suivantes et dites à quoi correspondent les pronoms compléments.